Eh? T'es-tu là? Apparemment, je me connecte. Ça pas long, je me connecte. Ouais, on Bon, lâche-tu Skype? ouais, moi je vais lâcher Skype. Elle n'a pas le choix d'essayer. Ok, adieu Alex. Ouais, tu vois ça, on peut quand même chatter. Adieu. Adieu. Hein? Là, je vais mettre mon métronome. Tu m'entends? Ouais. On aurait synchro. Tu m'entends-tu? Ouais. Toi, tu m'entends? Ok, enlève ton. Je m'entends deux fois. Comment ça, tu m'entends deux fois? Oh, oui, c'est parce que j'ai. J'ai pas d'écouteur. Hey, t'as peu, là. J'aurais aimé ça en trouver des écouteurs. Attends, puis je vais chercher. Peu, comment je l'enlève mon métronome? Faudrait qu'il a fait un mute le métronome. Ça marche pas. Là. Pourquoi ça marche pas? Ben oui, ça marche. Regarde. Bop, bop. Bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop. Écoute, je sais pas si tu te rends compte que cette phrase-là que je vais te dire, je l'ai dit à. Je sais pas quelle heure. Puis tu vas la recevoir dans 3 secondes, puis moi je vais la réentendre une deuxième fois. Et t'as raison, j'ai entendu mes bops là, vraiment après. Là, je la réentends, là. Ouais, mais faut faire de quoi, ça veut dire? Genre. Moi j'ai des écouteurs. Je sais pas c'est où qu'il faut aller par exemple pour comme nous mettre, nous synchroniser. T'es-tu allé voir dans les instructions comment on fait ça? Je sais pas comment faire. Le temps qu'on est connecté pour voir ben comment. Je sais pas. Se mettre ensemble. Là. J'en ai aucune idée. Yeah, je cherche ça pendant ce temps-là, je me cherche les écouteurs. Ben.